ça se barre en tata dit, tata. 2010, toujours là, c'est flow, anti-tata. Trop d'équipé comme un accroteur of duty. Capacité, mes racines, qui a été sa brutie. Ben oui, au studio j'ai stylo, kilo. Tape des saltos comme Bruce Lee ou Kato. Fous la cata, vise pas le poteau. Soulé, filé, c'est la vie, stat caca. Je vers du Messi, abracate, bras. Laisse pas partir, eto de mande à la Liga. Le lion règne à l'inter, comme au Barça en clair. C'était des terres, j'ai frère, ça passe. Parce que la prod me plaît sur la feuille. Petit ma voix, tu la veux, hey. Arrête de gratter, va par l'avant, si lâche-moi figé. RH qui kick ça pour la clique universelle. Le fit unique, carnage, trop sadique, crée un carnage, oh. Rien à foutre de toi, que mon patron s'en branle de moi. Donc cherche pas l'amitié, écoute mes phases, on hors de mancer. Sur un city rapping, crazy comme Dynasty. Moi je trip sur n'importe quel beat, à croire qu'à polygamine. Un chantier, le son conflit, donc va chier, coquerine. C'est fou les vacheries qu'on fait, jaloux, t'es fâché qu'on kiffe. Donc c'est hip hop comme dans le Bronx, je suis vite dans une drôle de roue en toxico et t'as ce qu'on se prend dessus. Sur la route y'a ma mure Paris, yes. Pour une connexion en stud, on fait ça par email. Okay. Rien à faire tant qu'on gratte entre potes. Viens faire un tour chez nous, tu kifferas rap francophone. Sur la route y'a ma mure Paris, yes. Pour une connexion en stud, on fait ça par email. Okay. Rien à faire tant qu'on gratte entre potes. Viens faire un tour chez nous, tu kifferas rap francophone. J'ai juste rime en tête, 4 dope dans le corps d'un athlète. J'rappe non-stop, si ça marche pas, j'arrête. En vrai, c'est la Russie, pas le cash qui nous obsède. Le diable veut nous séduire pendant que le ciel nous observe. Si tu crois pas en toi, c'est que tu pues la défaite. Moi, je crois en moi, c'est la chronique que je vais défraire. J'ai perdu trop de plumes en aidant des frères. Maintenant, je veux faire des thunes en vendant des cesses. Indépendant, je rappe sans stress et sans prétexte. J'aime faire ce que je veux, ce que j'aime, je me prends pas la tête. J'écoute mes rimes au scalpel ou à la machette. Puis je pénètre les cervelles, telle une balle à ailette. Avec un wash, ma petite tête se vide, je me sentais seul donc j'ai fait une mixtape de filles désespérées. Y'a plus que les rimes pour chasser la peine de ton cœur quand t'as une vie toute gâchée. T'as le choix, le quartier, faire du bise ou tracer plutôt qu'un flag. Sur ma tempe, j'ai mis mon pic sur papier, poteau. J'pose ma voix sur un beat piano. Cacher sa vie, c'est comme un whisky à l'eau. J'parle à mes feuilles, c'est pas un bête dialogue. J'fais des appels à l'aide, mais son père dit allô. Une dalle de chien, rien ne me coupe l'appétit quand j'ai le ventre vide avec le coup de laser mine. Sur la route y'a ma mure Paris, yes. Pour une connexion en stud, on fait ça par email. Okay. Rien à faire tant qu'on gratte entre potes. Viens faire un tour chez nous, tu kifferas rap francophone. Sur la route y'a ma mure Paris, yes. Pour une connexion en stud, on fait ça par email. Okay. Rien à faire tant qu'on gratte entre potes. Viens faire un tour chez nous, tu kifferas rap francophone. Immerge, moi je me sens mieux quand on est vendredi. Rien dans le frigo. Donc ça commence avec le ventre vide. Toujours à fond, qu'est-ce que tu veux me suivre avec ta mobilette. Chez nous routine, rime avec galère quotidienne. Jamais d'argent donc on s'en procure. On tente le truc, on fait du pisse pendant d'autres s'entretuent. Ok, les gens sont plus une fois que ça change de rôle. Bienvenue chez nous, ça reste noir même quand ça semble rose. Ok, le son perd tout pour que tu t'arraches le bonus. Les chenamures, mes coupés sont perdus en deux communes. Lâche un kick, une mélodie et je place ma voix sur la piste. Nos deux vies, nous ensemble, c'est comme ça qu'on navigue. J'prends le chrome donc par l'autre, mes pros te ramène la fraîcheur comme un bâton de Mentos. C'est la vèche, faut que ça pèse sa mère. J'crape des couplets quand tu fais la sieste. Ok, j'crame le son sous tendance d'air brasse. SSI, j'viens donner la sentence verbale, hey. Connexion, ça c'est Liège, Paris, Nams. Le même rap qui claque sur un beat Paris Vibes. Appelle la mort au cas où j'laisse un cadavre. Mec, voilà qu'aussi, aka la calache. J'me balade sur le boulevard de la rime Belgique, France, hey, hey. Pour un 12 par magique. J'ai compris, il est temps de remettre les choses vite en ordre. J'm'entraîne en magie pour transformer tous les disques en or. Depuis le début, je vise la tête, les jaloux vivent mon orteil. J'suis un poète, tu lis mes chansons pour que ton fils s'endorme. Tu veux un calcul, les filles te calculent. Si t'as un gros V6, un cactus dans le calbut, le salaire de Léo Messi. Dans le rap, c'est chacun pour soi, j'reçois plein de plaintes. Personne m'écoute, pourtant le micro marche 1-2-1-2. 0,00 en maths, j'désespère, mais expert en calcul mental. Quand tu me dois des euros en masse, écoute les cris dans le stade. J'veux un tas d'ébis dans le sac, les gens le savent, j'écris mieux que toi, même quand j'écris dans le sac. La route, y'a ma mure, Paris, yes. Pour une connexion en stud, on fait ça par email. Okay. Rien à faire tant qu'on gratte entre potes. Viens faire un tour chez nous, tu kifferas rap francophone. La route, y'a ma mure, Paris, yes. Pour une connexion en stud, on fait ça par email. Okay. Rien à faire tant qu'on gratte entre potes. Viens faire un tour chez nous, tu kifferas rap francophone.